nègre, Marco, Marco, yeah. Attention, écoute, yeah. Je viens faire tomber la vérité comme la pluie. Pour qu'on m'écoute quand t'es ma cause, je m'appuie. Sous un ciel gris, les prévoyants vont méditer, se protéger. Mais les bouffons vont rager. C'est juste un cas de conscience de la rue, personne n'obtient la science. Ceux qui rusent, celui qui s'amuse, à chacun son vécu. Il s'agit juste de là, des cœurs que j'aime qui s'agitent. Juste de la bête chez toi, d'autres qui bougent. On part en dépit des soucis de nos parents, le portefeuille en dépit. Sans craindre le résultat de nos délits, précis de ces sauces, t'arrives à te délivrer. Mais combien de fois la rue a gaspillé la tête d'un jeune? Les voyous viennent trop de pression, te fais croire que la vie n'est rien d'autre qu'un jeu. M'en veux, surtout, non, ne m'en veux pas. Si de ta vie tu payes, tout est mauvais pas, casse-toi. Eh ouais, mec, ça sert à rien de parler sur les gens. Toi-même, tu sais, Ousine, ok? Attention, freestyle, opération, balayage, mec, pourquoi tu sautes? S-T-E-R-E-O, neck. M-E-N-F-O-R-C-E, mec. Combinaison high-tech, et ouais, mec, c'est gros texte, les plaques, c'est sec, mais c'est du rap, que mec. Les pétas se couchent, j'accouche mon 16 jours. Tu peux pas test, M-U-S-A, Konako, Ganta. Toute façon, même au test, je reste le best. 95 bombes, tu succombes dès que le tonnerre gronde. Attaque massive, te rassure, la bombe arrive massif. Agressif sur scène, stéréo, neck, des gens urbaines. Que les détracteurs ferment leur gueule. Votre haleine pue la merde, reste ridicule comme leur gueule. Mon arme, le mic, pas le gun, nick sa mère à la fashion. Les coupes à la rock, Jean, démolition. Putain les mecs arrêtez comment c'est jeune. Suis moi dans ma danse que la république flanche. Change pas entre toi, reste avec ton gang. Oh attention, plus question se faire marcher dessus. Comme des moucherons, comme des moucherons mec. T'as entendu gars, c'est stéréo nègre. Tension haute, freestyle opération balayage. Mec pourquoi tu sautes? S-T-E-R-E-O nègre. M-E-N-F-O-R-C-E mec. Combinaison high-tech, ouais mec, c'est gros texte, plaque, c'est sec. Mais c'est du rap, mec. Mais c'est du rap, mec. Marco m'a demandé de le suivre dans cette marche contre la bingue. Allez tous aux armes et cessez de virer au baltringue. Quand l'Europe chie, l'Afrique bouffe les excréments. Quand l'Afrique agit, l'Europe dépasse les forces de l'ordre. Comment dire, que l'heure est au garde à vous. Que la rue est hypocrite, mais tout ça, tout le monde s'en fout. Que la rime nous voit, chasse un connasse, elle nous tabasse, qui le cru. Que mon son te boise, ta tête bouge, elle te nique, qui le cru. J'ai grandi entre baltringue et tordu. Entre veille en bruit, histoire de l'ordre et meurtre tordu. Que je veux des thunes, commercial ou antiguan. Bouffer des grecs, rouler en belle voiture. Je suis dans cette course au centre, dans un portail où le monde pense que tout est simple. Il m'a demandé de le suivre. Lorsque tout se concentre, lorsque la mort approche, notre vie est loin d'être sale. On a de la chance, mais nos chances ne se comparent pas. On a les mêmes rêves, dommage les tiens ne sont pas palpables. Je sais que rivaliser, ça t'en est bien capable. Mais pour ce qui est de réaliser, je suis l'homme intouchable.